baiser, du feu dans un coin. Les hommes sont habillés, les femmes un peu moins. Dans mon costume étroit, j'ai un peu froid. Un petit verre de Bordeaux me tiendrait chaud. Je ne lève pas les yeux de ce creux, cette bouteille m'appelle. Je ne lève pas les yeux de ce creux, cette bouteille m'appelle. Il parle et je n'écoute pas. Voici le premier plat. Mon verre vide sur la table, c'est inacceptable. Je lance un SOS, j'ai la gorge sèche. Mes doigts s'impatientent, ce breuvage me manque. La tête dans la main, j'observe mes radins. Je ne lève pas les yeux de ce creux, cette bouteille m'appelle. Je ne lève pas les yeux de ce creux, cette bouteille m'appelle. Cette soirée n'en finit pas, il y a toujours un plat. On me parle, je sursaute, j'ai le hoquet, je tout saute. Reprenez-vous de ceci, avec du vin, je vous prie. J'attends, c'est l'évidence, cet élixir de jouvence. Mais pas de nouvelles de ce vin, comment noyer mon chagrin. Je ne lève pas les yeux de ce creux, cette bouteille m'appelle. Je ne lève pas les yeux de ce creux, cette bouteille m'appelle. Je me dessèche sur place, nous passons à la glace. Sont les toilettes, trouvons la cachette. Il en reste, c'est sûr, caché dans les murs. En voilà une qui s'enfuit, je la poursuis. Elle tourne un peu plus loin vers la salle de bain. J'arrive à la coincer contre un robinet. Allongé dans la baignoire, je reprends espoir. Je suis si bien dans tes bras. S'il te plaît, emmène-moi. Aime-moi. Je ne lève pas les yeux de ce creux, cette bouteille m'appelle. Je ne lève pas les yeux de ce creux, cette bouteille m'appelle. Je ne lève pas les yeux de ce creux, cette bouteille m'appelle.